Vegetati, c'est pas trop de colo. Faut t'acheter, on va pas en colo. Faut danser, danser, on va faire un colo. Faut que vous arrêtez tout, toujours les mêmes après tout. On fait comme tu sais les coups, t'aimes pas nous casser les couilles. Sur des bars j'oublie tout, dans la musique on fait tout. T'inquiète pas on sait tout, t'es qu'un bouton c'est tout. Je m'évade, j'parle trop vrai quand je suis pété. J'calcule pas le game, trop de problèmes de société. Ouais, la Kandia elle est bonne, grindé dans le CP. J'sais pas comment j'ai fait pour vendre autant de CP. La grandie est dans le zoo, gros manque de sous. Parce que tout le temps tout, ils m'ont trahi, j'ai quitté. On va les faire glisser, ouais, j'suis matrixé. Regarde derrière, j'vais pisser. Il faut les voyous, tu puisses pas viser. À ce qu'ils sont jaloux, tu vois quand ils sont tissés. T'écoutes mon son, tu fais une tête comme si tu sentais visé. Envie de niquer tout le monde quand tu peux rien maîtriser. Fais le gros ailleurs au check, tu t'es la risée. Ouais, nous depuis jeunes on est déscolarisés. À force de dormir tous les jours, la guerre on a crisé. Crisé, maison électrisée. On sait que t'es aimé, te fais gaffe à qui on s'entoure. On veut te parler, mais toi tu fais tout le temps le sourd. Contre les jaloux, y'a pas de remède. Là, je crois bien qu'il faut qu'on m'aide. Prochaine fois, je crie à l'aide. Ta puce est tassi, j'ai pas trop de choses. Je suis dans ma bulle. Je brûle le shit, il fait des bulles. Je suis dans ma loire, je suis dans l'espace. Vas-y, laisse place. Et qui tourne en scénique. J'évite le business et les tasses. N'habite pas trop, tu vas voir la tasse. Faut charbonner pour avoir la classe. On était derrière au fond de la classe. Dis jamais qu'on est à la première place. Y'a les petits qui tournent le slot. Les braqueurs cagoulés dans le sas. Que tu me fasses le pas tu trottes. Avec le temps notre amitié s'efface.